L'affaire du collier par Feng Brentano. Par une claire matinée d'avril de l'année 1763, sous une atmosphère fraîche, baignée d'une lumière argentine, la marquise de Boulainvilliers montait en son carrosse la côte de Passy quand s'approcha de la voiture une petite mendiante en haillons qui portait sur son dos, attachée par une misérable écharpe, une fillette de 2 ou 3 ans. Elle était lamentablement vêtue et répétait en tendant la main aux passants. « Pour Dieu, faites l'aumône à 2 pauvres orphelines du sang des Valois. » Et cette petite mendiante, qui s'appelait en vérité Jeanne de Valois, descendait effectivement en ligne directe par les mâles de Henri II, roi de France, de la branche des Valois, aînée de celle des Bourbons, qui, en la personne de Louis XV, régnait alors en France. La marquise de Boulainvilliers fit élever Jeanne de Valois avec sa jeune sœur en l'abbaye de Longchamp, où l'on ne recevait que des demoiselles de qualité. Plusieurs années s'étaient écoulées quand, certaines nuits, les 2 petites personnes franchirent le mur de clôture et s'en vinrent, en leur pays, le Bar-sur-Aubois, où elles furent recueillies par Madame de Surmont, la femme du prévôt de la Châtefleur. À Bar-sur-Aube, Jeanne de Valois fit la connaissance d'un jeune gentilhomme, officier de gendarmerie, le comte Nicolas de la Motte. Les jeunes gens se marièrent, mais bientôt, mécontent de l'existence médiocre qu'offrait la vie de garnison en une petite ville comme Lunéville, ils résolurent de venir chercher fortune à Paris. Madame de la Motte était une petite créature fine et souple, d'une grâce alerte. Des cheveux châtains ondulaient sur son front. Ses yeux étaient bleus, pleins d'expression, très vifs, sous des sourcils noirs, bien arqués. Son sourire allait au cœur, dit le comte Beugnot, qui en parle d'expérience. « La nature, écrit un romancier contemporain qu'il a beaucoup connu, Bête d'Étienville, la nature lui avait prodigué le dangereux don de persuader. » Par l'entremise de la marquise de Boulainvilliers, Madame de la Motte fit la connaissance du prince Louis de Rohan, cardinal évêque de Strasbourg et grand aumônier de France. Celui-ci, sur la caisse de la grande aumônerie, lui versa de temps à autre quelques secours, car le comte de la Motte, démissionnaire de sa charge d'officier de gendarmerie, n'avait plus de quoi subsister. Le cardinal de Rohan, pour des raisons qu'il serait trop long de développer ici, s'était attiré l'animadversion de la reine Marie-Antoinette. D'autre part, il était très ambitieux et rêvait de parvenir aux plus hautes situations de l'État. La malveillance de la reine y était un obstacle. Fine et intelligente comme elle l'était, Madame de la Motte ne tarda pas à démêler, d'une part, le caractère invraisemblablement crédule du cardinal, d'autre part, le désespoir où le mettait l'attitude à son égard de la reine et l'ardent désir où il était de reconquérir ses bonnes grâces. Vers la même époque, les joailliers de la couronne, Beumer et Bassange, avaient formé, en réunissant par toute l'Europe les pierres les plus belles, un collier d'une valeur singulière, collier de diamants. Ils avaient insisté auprès de Marie-Antoinette pour qu'elle demandât au roi d'en faire pour elle l'acquisition. C'était le moment où l'on travaillait à refaire la marine française, à composer les escadres qui illustreraient le bail de Suffrenne. La réponse de Marie-Antoinette au joaillier est demeurée célèbre. « Nous avons plus besoin d'un vaisseau que d'un bijou. » Cependant, Beumer, qui ne parvenait pas à se défaire de cette parure ou s'immobiliser un capital important, jetait ses plaintes à tous les échos. Elles vinrent aux oreilles de François Hachet, procureur général aux requêtes, beau-père de Maître Laporte, un avocat qui fréquentait chez Madame de la Motte. Celle-ci, pour se donner du crédit, ne cessait de faire étalage de prétendues relations qu'elle aurait entretenues avec la reine, sa cousine. Laporte lui parla du collier. Après quelques moments de réflexion, Jeanne de Valois, c'est-à-dire la comtesse de la Motte, conçut le projet le plus audacieux. En juillet 1784, le comte de la Motte avait fait la connaissance, dans les jardins du palais royal, d'une jolie personne qui se distrayait à jouer avec un enfant. Elle avait 23 ans. Orpheline de père et de mère, et exerçait le métier de modiste. Elle s'appelait de son vrai nom Nicole Leguet. Le comte de la Motte l'avait introduit dans le salon de sa femme, qui lui avait fait prendre le nom de baronne d'Oliva. Une ressemblance entre la baronne d'Oliva et Marie-Antoinette, qui a frappé tous les contemporains, avait fait concevoir à Madame de la Motte le projet auquel nous venons de faire allusion. Persuadée au cardinal de Rohan, que la reine désirait faire l'acquisition du collier de diamants, mais que par crainte du roi, qui lui reprochait son penchant excessif pour la parure, elle désirait que l'acquisition demeurât secrète jusqu'au jour où elle aurait pu réaliser les économies nécessaires pour le payer. « La reine, disait Madame de Lamotte au cardinal, a songé à vous pour servir d'intermédiaire secret. Vous serez garant vis-à-vis des bijoutiers et dans la suite, par versement échelonné, vous recevrez le montant de la créance. Et, ajoutait la comtesse de Lamotte, ce sera pour vous le meilleur moyen de rentrer en faveur. » Un soir, Madame de Lamotte demanda brusquement à la baronne d'Oliva de venir avec elle à Versailles et d'y faire ce qu'elle lui dirait. En récompense, elle recevrait 15 000 livres, ce qui était une somme très élevée pour l'époque. Ce qu'elle lui demanderait serait d'ailleurs peu de chose. Elle n'aurait qu'à remettre un soir, dans l'une des allées du parc de Versailles, une rose et un billet à un grand seigneur qui, en s'inclinant devant elle, lui baiserait la main. À cela, notre gracieuse modiste se déclara toute disposée. Le 11 août 1784, la comtesse de Lamotte, son mari, un certain Retaux de Villette, qui servait à la comtesse de secrétaire particulier, Rosalie, sa femme de chambre, se rendirent à Versailles avec la jeune baronne d'Oliva. À Versailles, à l'hôtel de Lambesc, Oliva est habillée et coiffée des propres mains de Madame de Lamotte, qui lui passe une robe blanche de linon moucheté, garnie d'un dessous rose, une robe à l'enfant. La comtesse s'inspire du portrait de Marie-Antoinette par Madame Vigée-Lebrun qui venait de faire sensation au salon de 1783, où l'on avait effectivement vu la reine vêtue d'une robe longue et blanche, très souple, dont la mousseline et la batiste faisaient tous les frais. Avant de sortir, Madame de Lamotte jette sur les épaules de sa jeune compagne un mantelet blanc, en laine fine, et lui met sur la tête une calèche blanche en gaze d'Italie. Elle revêt elle-même un domino de taffetas noir. Et l'on se rend avec le comte de Lamotte chez le fameux traiteur de la ville pour y souper et s'y donner du cœur. Dans le grand parc, morne, désert, c'est le silence de la nuit. On entend seulement au loin, dans l'ombre, le bruit de l'eau qui joue dans les bassins. Le ciel est sombre, sans lune ni étoile. La baronne et ses deux compagnons ont marché quelque temps sur la terrasse. Puis ils sont descendus vers le bosquet de Vénus. Ils y sont entrés. Le bosquet, blotti contre l'énorme mur qui soutenait l'escalier des 100 marches, est plus sombre encore. Les pins, les sapins, les ormes qui le couvrent de leur feuillage mêlent leurs branches. Les charmilles font des rideaux épais de mélèzes, de tulipiers et de buis massifs. À peine distingue-t-on le carré d'une petite clairière. Ici, le silence est absolu. Seuls les oiseaux de nuit en volant froissent les feuilles. Nicole a vraiment peur et se serre au comte de Lamotte. Subitement, comme une ombre, arrive un homme à qui le comte dit « Ah, vous voilà !» Et l'homme disparaît. C'était Retaux de Villette. On s'est arrêté dans une allée. Madame d'Oliva, craintive, immobile, n'ose se retourner. On prête l'oreille. Les petites pierres des allées craquent sous un bruit de pas qui se rapproche. 3 hommes paraissent. L'un d'eux s'avance, grand, mince, serré dans une redingote, sous un long manteau, un gros chapeau rabattu en clabot sur le visage. Madame d'Oliva est poussée par le bras. Le comte et la comtesse se sont éloignés. Elle est seule. Elle tremble. La rose qu'elle tient s'échappe de ses doigts. Une lettre est dans sa poche, mais elle ne songe pas à l'en tirer. L'homme au grand manteau s'incline jusqu'à terre, baise le bas de sa jupe. Nicole murmure. Elle ne sait pas. Elle n'a jamais su quoi. Le cardinal, qui n'est pas moins ému, croit entendre. Vous pouvez espérer que le passé sera oublié. Il s'incline de nouveau, avec des paroles de reconnaissance et de respect dont la demoiselle d'Oliva, qui tremble de plus en plus, n'entend pas un mot. Brusquement, un individu survient au coup de vent. « Vite, vite, vous ! Voici madame et madame la comtesse d'Artois !» C'était encore Retaux de Villette, homme à tout faire de la comtesse de Lamotte. La demoiselle d'Oliva est emmenée par le comte de Lamotte et le cardinal se retire, suivi de la comtesse. Celle-ci avait persuadé au cardinal que la reine lui avait accordé cette entrevue dans le silence et le secret de la nuit pour lui marquer un sentiment d'amitié et de gratitude à l'égard du service qu'il était disposé à lui rendre. Telle fut la fameuse scène dite du bosquet. Elle est demeurée célèbre, elle est le pivot de toute l'affaire. On imagine la suite. Le cardinal fait l'acquisition du collier pour la reine sur un engagement de 1 600 000 livres, 24 millions de valeur actuelle, a versé par quartier de 400 000 livres, de 6 mois en 6 mois, engagement signé par la reine, info que Madame de Lamotte avait fait fabriquer par Retaux de Villette. Le collier livré à Retaux de Villette, déguisé par Madame de Lamotte en officier de la maison de la reine. Madame de la Motte fait dépiécer le bijou et le fait vendre par fragments à Paris, à Amsterdam, à Londres. Elle se lance dans la vie la plus folle de luxe et de dépenses. La date fixée pour le premier versement de 400 000 livres, 1er août 1785, arrive. Les bijoutiers ne sont pas payés. Le cardinal est arrêté le 15 août, fait de l'Assomption en habits pontificaux, au moment où il s'apprêtait à célébrer la messe dans la chapelle du château de Versailles. Madame de la Motte est arrêtée à Bar-sur-Aube. Ses complices ne tardent pas à la rejoindre à la Bastille, à l'exception du comte de la Motte, qui parvient à se réfugier en Angleterre. Le procès engagé solennellement devant le Parlement a un retentissement formidable. La foule ne peut croire à l'innocence de la reine, qui cependant, la malheureuse, est demeurée entièrement étrangère à l'affaire. Finalement, le cardinal est acquitté, aux acclamations populaires, et Madame de la Motte condamnée, à l'unanimité des 48 juges présents, à être marquée d'un fer rouge et détenue pour le reste de ses jours à la Salpêtrière. De la Salpêtrière, elle parvient à s'évader, à gagner l'Angleterre, d'où elle commença contre Marie-Antoinette sa terrible campagne de pamphlets, dont s'emparent les passions, car voici les premiers grondements révolutionnaires. Mirabeau dira: « Le procès du collier a été le prélude de la Révolution. » Et Napoléon, méditant à Sainte-Hélène, écrira au sujet de ces événements tragiques: « La mort de la reine date de là. » C'était « L'affaire du collier » par Feng Brentano.